Il est 13h30 et là vous avez rendez-vous avec Histoire Vivante jusqu'à 14h. Très bel après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. Cette semaine, histoire du néolibéralisme. On aurait pu penser que la peur allait donc gagner, puisque à la peur du chômage s'ajoutait la peur liée à la crise environnementale. Sciences sociales au travail. Il ne suffit pas de se réunir pendant 3 ou 4 jours à Davos pour changer le monde. Quelques éléments de philosophie politique. Alors que nous allons quitter l'Union européenne, le Royaume-Uni continuera d'être un défenseur mondial du libre-échange. Je ne sais pas comment ils font pour dormir la nuit. La situation n'est pas normale. Ils sont dans leur bulle entre personnes qui ont toujours eu le pouvoir. C'est le triomphe de la pensée unique. Je suis ici pour réaffirmer l'amitié et le partenariat de l'Amérique dans l'édification d'un monde meilleur. On va avec vous, Barbara Stiegler, développer et ouvrir un petit peu plus cet ouvrage. Il faut s'adapter. Ouvrage dont l'auteur, ici présent dans ce studio, rappelle qu'il faut à tout prix l'entendre avec des guillemets. Je vais commencer par les questions que vous posez au tout début de votre ouvrage, parce que, évidemment, et c'est souvent le cas, les questions que pose un chercheur, il va chercher à y répondre. D'où vient ce sentiment diffus, écrivez-vous, de plus en plus oppressant, de mieux en mieux partagé, d'un retard généralisé, lui-même renforcé par l'injonction permanente à s'adapter pour évoluer. L'évolution, dit-on, réclame des mutations, terme entre guillemets, permettant de survivre, autre terme entre guillemets, et de s'adapter, terme entre guillemets, à un nouvel environnement, également entre guillemets, désormais décrit comme instable, complexe et incertain, et par rapport auquel nos sociétés sont constamment accusées de prendre du retard. Comment expliquer cette colonisation progressive du champ économique, social et politique par ce lexique biologique de l'évolution ? Alors, ils vont être deux, mais évidemment beaucoup d'autres, mais deux notamment à se poser, sinon ce type de question, en tout cas à travailler la question, John Dewey d'un côté et Walter Lippmann de l'autre. C'est un débat farouche entre eux deux. Faites-nous rentrer dans le débat, faites-nous rentrer, Barbara Stiegler, dans la pensée de l'un et de l'autre. Qui commence d'ailleurs ? Est-ce que la chronologie, les années de naissance peuvent compter là-dedans ? Est-ce que l'un commence le deuxième lisant le premier et s'ensuit un débat ? Comment ça se construit ? Oui, c'est important cette chronologie. Moi, je trouve ça très important. Mon livre, lui, ne suit pas exactement la chronologie pour ce qui est du commencement. Mon livre commence avec Lippmann parce que mon livre commence avec l'enquête sur le néolibéralisme. Donc elle commence avec Lippmann. Mais le commencement, c'est pas Lippmann. Le commencement, c'est Dewey. C'est-à-dire que Dewey est beaucoup plus âgé que Lippmann. Il est déjà un philosophe parfaitement confirmé à la fin du XIXe siècle, où il commence déjà à écrire des textes désormais classiques. Dans les années 80-90, Dewey, il est déjà parfaitement actif. Et il a déjà atteint une maturité philosophique. Quand Lippmann, lui, était... J'ai oublié sa date de naissance, mais enfin, ils ont une... Au biberon. Il est au biberon, voilà, si même il est né. Voilà. Donc, Dewey, qu'est-ce qu'il fait dans les années 80-90 ? Eh bien, avec... 1800, rappelons-le bien. 1890, début 1900, avec William James et avec d'autres, il invente une nouvelle manière de faire de la philosophie, qui va s'appeler le pragmatisme. Et qui va avoir aussi d'autres noms, mais peu importe, simplifions, qui va s'appeler le pragmatisme, et il invente une nouvelle manière de faire qu'il installe, comme d'autres philosophes, dans le sillage de ce qu'il considère être une révolution, à savoir la révolution darwinienne. Il considère que, après la révolution darwinienne, c'est-à-dire après le moment où on se met à se dire que ce qu'il y a dans l'origine des espèces doit s'entendre pour toute chose, y compris notre manière de penser, y compris notre manière de connaître, y compris notre morale, y compris nos organisations sociales. À partir du moment où on se dit que toute chose évolue, mais y compris ce qui était censé ne pas évoluer, ce qui était censé être a priori, ce qui était censé être permanent, ce qui était censé être au-delà du devenir, à partir de là se produit une révolution. C'est un choc absolument considérable qui à la fois ravit et traumatise les cultures de ce temps. Et nous sommes toujours, à mon avis, bien sûr, dans la suite de ce tremblement de terre. Et Nietzsche a exactement le même diagnostic. Et Dewey se situe dans le même sillage. Ça fait une parenté entre Nietzsche et Dewey. Ils se connaissent ? Alors non, ils ne se connaissent pas. Enfin, si, forcément, Dewey est obligé de connaître Nietzsche plus tard, parce que Nietzsche va devenir connu bien après sa mort. Et, mais il n'y a pas de lien, il n'y a pas, il y a rien d'intéressant de ce côté-là. En revanche, les faire dialoguer... ça c'est intéressant et ça c'est quelque chose à faire que j'ai envie de faire avec d'autres d'ailleurs, voilà, mais c'est une autre affaire. Donc pour ce qui est de Dewey, il invente donc avec d'autres le pragmatisme américain qui s'installe donc dans la révolution darwinienne pour revoir entièrement la question de la connaissance, la question de la politique, la morale, etc. Walter Lippmann, lui, c'est un étudiant de philosophie de l'université de Harvard, très très brillant, qui d'ailleurs a failli devenir enseignant à Harvard, je crois qu'il était promis à une belle carrière, d'après ses biographes en tout cas, et qui était particulièrement fasciné par le pragmatisme américain, par William James notamment, et qui connaissait Dewey et qui s'intéressait à Dewey. Il faut le savoir, c'est anecdotique mais c'est intéressant, il a été invité à boire le thé tous les jeudis, je crois, chez le professeur James, parce que c'était un étudiant très brillant. Bon, donc, Lippmann, il est dans le bain pragmatiste, et très rapidement, et ça c'est ce que je vais raconter dans le livre, il trahit en fait fondamentalement le pragmatisme, parce qu'il y a en lui d'autres projets, d'autres visions du monde qui prennent le dessus. Et en particulier, il est politiquement, à l'époque, plutôt, on va dire, à gauche de l'échiquier politique américain, il est dans le mouvement progressiste, mais sa manière d'être progressiste est très influencée par le socialisme britannique des Fabiens, ce qu'on appelle les Fabiens, la Fabian Society. La Fabian Society, bon, c'est pas très connu, hein, c'est quelque chose qui est un peu méconnu, mais qui est très important, qui a eu beaucoup, beaucoup d'influence. Et la Fabian Society, c'est une vision du socialisme qui est un peu particulière et qui donne un rôle central à l'expertise. L'idée, c'est que les populations sont parfaitement débordées pour comprendre la complexité de nos sociétés et qu'il faut donc tout remettre dans les mains des experts, étant donné la technicité de notre environnement mondialisé. Ça, ça va énormément plaire à Lippmann et de cela, il ne pourra jamais se départir. Il va constamment donner à l'expertise un pouvoir considérable, alors bien sûr contrebalancé par le pouvoir des leaders, ce qu'il appelle les leaders. Chez lui, les responsables politiques ne sont pas des responsables politiques. Ce sont des leaders, des dirigeants, donc le vocabulaire de l'entreprise. Donc les experts devront partager leur pouvoir avec les leaders et les leaders devront partager leur pouvoir avec les experts. Il n'y a pas là un dictateur tyrannique qui ramasserait la mise, mais bien un collectif. Répartition des tâches et en plus une vision collective du pouvoir et collégiale où les leaders et les experts doivent... Voilà. Mais l'idée, c'est que les masses, parce que c'est comme ça que Lippmann parle, et d'ailleurs, il est très influencé par Nietzsche. Lippmann, il aime énormément Nietzsche, il le lit beaucoup, et Nietzsche parle sans arrêt des masses et de la massification. Eh bien, les masses, pense-t-il, sont absolument incapables de s'orienter dans la bonne direction. Il faut donc remettre le pouvoir dans les mains des leaders et des experts. Et ce faisant, Dewey va lui expliquer, très rapidement, quand il va lire les premiers essais de Lippmann, il va lui expliquer qu'il se méprend gravement, à la fois sur ce qu'est la démocratie, mais aussi sur ce qu'est l'évolution et le sens darwinien de l'évolution qui suppose une expérimentation. Qu'est-ce que c'est pour Darwin la vie au fond? C'est comme ça que Dewey lit Darwin. La vie fonctionne comme un laboratoire. Elle expérimente sans cesse des directions différentes qu'elle teste dans toutes les directions. Et donc la vie, c'est un grand laboratoire. La vie est elle-même objet et sujet. C'est ça, et c'est ça qui est très important, c'est qu'elle est à la fois objet et sujet, les vivants sont à la fois objet et sujet, ils souffrent de choses par leur environnement, ils résolvent, alors évidemment ça passe pas par la conscience, mais ça n'a aucune importance, ils résolvent les problèmes que les espèces, les organismes résolvent les problèmes qui leur sont posés activement, et souffrent à nouveau passivement de la proposition active qu'ils ont faite. Et c'est cette rétroaction permanente du souffrir et de l'agir qui m'avait tant passionné chez Nietzsche, dans Nietzsche et la biologie, que j'ai retrouvé dans l'expérimentation chez Dewey, dans sa conception de l'expérimentation. Or, pour Dewey, il est donc naturel, quelque part, même si c'est pas du tout garanti, et même si c'est extrêmement fragile, que l'expérimentation se prolonge politiquement en une politique expérimentale. Et qu'est-ce que c'est que la politique expérimentale pour Dewey ? Ben, c'est la démocratie, précisément, qui est une manière de vivre. Pour Dewey, c'est pas du tout un ensemble d'institutions et ni un régime. Bien sûr que ça suppose des institutions. Il n'y a pas de démocratie sans institutions. C'est pas un phénomène comme ça, anarchique et spontané. Ça suppose toutes sortes d'institutions, mais ça ne se réduit pas à l'institution. C'est une manière de vivre, et c'est une manière de vivre qui considère que la vie, c'est l'expérimentation, et chez l'espèce qui est la nôtre, l'expérimentation ne passe plus par le mécanisme darwinien. Petite variation aléatoire, sélection, et à nouveau petite variation aléatoire, qui en fait est plutôt de l'ordre du tâtonnement, mais va se perfectionner en quelque sorte grâce au fait que l'animal humain est en fait déficient. Il lui manque beaucoup de choses, et du fait qu'il lui manque beaucoup de choses, il va compenser ce manque par... Alors, il lui manque beaucoup de choses du fait de sa néoténie. Dewey explique ça très bien. Il va... Néoténie. Bah, le fait que le petit humain soit néoténique, ça veut dire qu'il est à la fois en avance et en retard. Il faut qu'on s'occupe de lui. Il est en avance sur certaines choses, en retard sur d'autres. Bref, il n'est pas, contrairement au petit poussin qui sort de son œuf, qui est parfaitement adapté à son environnement et qui va se débrouiller tout seul. Ça me désespère encore, cette comparaison d'ailleurs. Ben, pourquoi ? Bon, j'ai mis mon temps. Comment ? J'ai mis mon temps avant de marcher, de parler et tout ça. Oui, mais ça, et c'est l'animal humain. Ben oui. Et puis, vous avez certains oiseaux qui sont nidifuges. Voilà, ils partent du nid immédiatement et ils sont déjà parfaitement, comme on dirait aujourd'hui, autonomes. Bon, l'animal humain, Dewey explique très bien, c'est pas ça. Et il va compenser cette déficience, il a compensé cette déficience dans son histoire évolutive, par l'invention d'un nouvel organe. Et ce nouvel organe, pour Dewey, il l'a trouvé dans la vie animale. Cet organe, c'était l'intelligence. L'intelligence existe déjà chez les animaux supérieurs. Simplement, l'animal humain l'a transformé et lui a donné une détermination nouvelle. Il a inventé l'intelligence collective. Et l'intelligence collective, elle passe par ce que Dewey appelle la communication. C'est le terme anglais qu'il utilise, communication. Donc par des moyens de communication, on revient à la question des moyens de communication dont nous parlions hier, qui suppose la médiation du langage, etc., etc., et aussi de ce qu'on appelle d'ailleurs les médias. Donc ça, c'est ce que Dewey découvre, et il découvre que pour que la politique... Qui le déduit, je dirais. Non, il le découvre, vous dites ? Déduit, est-ce que c'est une déduction logique ? Je ne sais pas. Je veux dire, il n'arrive pas à une preuve tangible, matérielle, comme un objet qu'on touche. Non, en tout cas, c'est ce qu'il pense, on va dire. On va laisser les choses comme ça, le plus... La manière dont il arrive à ça, j'ai du mal à vous le dire, épistémologiquement, c'est compliqué, mais en tout cas, c'est ce qu'il pense profondément. Et il pense que, du même coup, la politique peut être, bien sûr, affaire de domination... Mais, je ne l'ai pas remarqué. Voilà, il l'avait largement remarqué. Il fait d'ailleurs toute une généalogie de cette domination qui remonte notamment aux Grecs et à la supériorité des tâches spirituelles sur les tâches corporelles, etc. et manuelles. Bon, bref, ça c'est dans Reconstruction, dans Philosophie. Mais il pense que la politique peut être autre chose. Et si elle est autre chose, elle est démocratie, parce que la démocratie, c'est cette expérimentation où celui qui mène l'expérimentation est à la fois... celui qui propose une solution et celui qui souffre de la solution qu'il a proposée. C'est à la fois celui qui souffre d'un problème et celui qui propose une solution active à ce problème. Le problème du modèle actuel de l'expertise, du savoir spécialisé et du savoir académique, c'est que ça produit, et c'est ce que Lippmann ne comprend pas, une déconnexion extrêmement grave entre les phases actives de l'expérimentation et les phases passives de l'expérimentation. Je vais vous donner un exemple. Quand on mène une expérimentation dans un hôpital, on passe notre temps à mener des expérimentations à l'hôpital, par exemple pour les médicaments, que l'expérimentation a été pensée en haut lieu par des experts qui ne souffrent pas de cette maladie Et c'est ça qui les définit. Ce qui les définit, entre autres, outre leurs compétences en termes de savoir, c'est qu'ils ne sont pas affectés par quoi que ce soit. Un expert, c'est quelqu'un qui est désintéressé, qui n'est pas affecté par la question. Et c'est même ce qu'on lui demande. On lui demande de ne pas être affecté. Donc, on a d'un côté un expert dont le savoir, la pensée est complètement désaffectée. Il ne souffre pas de ce dont il parle. Et on a de l'autre côté la cible de cette expérimentation qui, elle, est entièrement passivité, souffrance, les malades, considérés comme cible passive. Ça produit, pour Dewey, ce type de conception de l'expérimentation, une catastrophe, puisque ça détruit les conditions mêmes de l'expérimentation, ça désarticule la passivité et l'activité. En d'autres termes, ça signifie qu'à l'hôpital, une expérimentation digne de ce nom, c'est une expérimentation qui est conduite par les publics concernés, c'est-à-dire par les malades eux-mêmes. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible ? Eh bien, la réponse, c'est que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ce sont les malades eux-mêmes qui commencent à s'organiser et à demander aux experts de venir travailler à leur service. Ça n'a plus rien à voir. Et donc, ils vont intégrer du savoir et ils vont l'articuler avec ce qu'ils subissent passivement. Et là, le souffrir et l'agir se réarticulent. Et les experts, s'ils sont des bons experts, et s'ils sortent de cette position absolument aporétique de l'expertise que je conteste, c'est pour ça que je critique Max Weber notamment, et d'autres, ce modèle-là du savoir expert ou du savant, si l'expert sort de ce réduit-là et devient véritablement quelqu'un qui fait un travail expérimental, à ce moment-là, il faut qu'il soit affecté. Il faut qu'il soit lui aussi affecté et qu'il arrête de nous dire « moi, je n'ai pas d'intérêt à la question ». Il faut qu'il arrête de se positionner en spectateur impartial et désintéressé. Au contraire, il faut prendre parti, être engagé, avoir un intérêt affectif à la chose pour être légitime dans une expérimentation. Ça modifie complètement la vision de la démocratie, puisque du même coup, ça suppose de faire une critique radicale de la démocratie représentative poussée à ses limites extrêmes, comme c'est le cas, c'est le modèle de Lippmann, et comme elle prévaut aujourd'hui, à savoir qu'il y a une désarticulation complète entre ceux qui savent, ceux qui sont les experts, qui sont en haut, très loin, en haut lieu, et puis la masse passive du public qu'on va modeler et qu'on va conduire un peu comme le modèle du gouvernement pastoral, c'est-à-dire du troupeau et du berger. Donc, on a vraiment ici un affrontement entre ces deux pensées qui est non seulement extrêmement spectaculaire, mais qui en plus est complètement agissant aujourd'hui. Aujourd'hui, on a ce conflit. Barbara Stiegler, quand vous évoquiez cette question de la santé, où effectivement de nouveaux dialogues au pluriel semblent s'instaurer ça et là, ce n'est pas encore la généralité, mais on peut dire que c'est quelque chose qui s'est enclenché et qui est peut-être en cheminement. On peut également dire que c'est parce que les outils technologiques ont rendu ce dialogue possible. Ce qui, en l'espèce, à la fin du 19e siècle, pour un homme comme Dewey, n'est pas encore en place. Qu'est-ce qui peut, selon vous, qui l'avez étudié, permettre à Dewey de deviner à ce point à l'avance que ce dialogue, s'il n'a pas encore eu lieu, devra avoir lieu ? Et précisez-nous également quelle place il donne aux experts, parce qu'il n'est pas question non plus de les disqualifier, il faut bien qu'ils apparaissent quelque part, sinon ça serait les déconsidérer de manière populiste et péjorative. Que deviennent-ils ? Alors, Dewey, effectivement, dit la nécessité d'un savoir spécialisé. C'est nécessaire, le savoir spécialisé, mais il doit rester à sa place dans l'enquête. Parce que toute cette histoire d'expérimentation menée par les publics, c'est ce qu'il a théorisé sous le nom d'enquête. Inquiry, en anglais. Cette inquiry ne peut pas être menée sans mobiliser un savoir complexe, un savoir technique. On revient à la question de la technicité qu'on évoquait auparavant, on est obligé, étant donné la complexité des objets, d'avoir un savoir technique et d'avoir une relative division du travail. Mais il faut se méfier de des effets de cette division. Même si elle est nécessaire, elle produit des effets qui sont dangereux, elle produit des effets de désaffection des savants. Les savants peuvent devenir finalement désaffectés, c'est exactement notre conversation au début de notre entretien hier. Le danger, c'est ça, c'est la désaffection du savoir abstrait, du savoir académique, qui n'est plus affecté et qui va se laisser porter, guider par des opportunités de carrière et autres, parce qu'en fait, on reste toujours des êtres affectés et on a toujours des... On a toujours des mobiles. Pour vous, hein. Oui, non, pas vous, bien sûr. Mais on je a suis tout, étanche. Bien sûr, mais on a tous, en fait, à part vous, des mobiles qui nous guident dans nos choix, donc autant les expliciter et autant avoir des mobiles qui, au lieu qu'ils soient essentiellement polarisés par des questions de carrière, soient des mobiles, finalement, sociaux. Qu'on puisse partager socialement. Mais puisqu'il est question de société, comment... Il y avait une deuxième question. Hein, pardon. Votre alors, deuxième question. Peut-être que vous pourrez l'emboîter, parce qu'il faudra aussi parler de la régulation, c'est-à-dire comment Dewey pense-t-il que ça puisse s'organiser. Alors, la deuxième partie de votre question, c'était comment Dewey a-t-il pu, à la fin du 19e siècle, voir de manière si lucide qu'il allait y avoir des moyens de communication qui allaient peut-être permettre au public, c'est ça, hein, de se s'identifier, etc. Deviner, non pas forcément les moyens techniques, mais qu'en tout cas le dialogue aurait lieu. Alors en fait, il l'a clairement dit dans Le Public et ses problèmes. Il dit clairement que dans la grande société mondialisée, il y a des moyens de communication qui ont été inventés par la révolution industrielle. On est quand même à l'époque du téléphone, du télégraphe depuis. Le télégraphe, c'est les années 1860-70. Donc ça fait déjà très longtemps qu'on entend le martèlement du télégraphe, comme dit Nietzsche, qui est si saisissant. Aujourd'hui, on est complètement ébahi par Internet, et on a raison. Mais des fois, ça a des effets quand même un petit peu naïfs. Enfin, ça produit des effets un peu de naïveté sur les gens, comme si, d'un seul coup, on avait basculé dans le monde de la mondialisation et des moyens de télécommunication. Enfin, il faut quand même se réveiller. Le grand choc et le grand basculement, la grande accélération des moyens de télécommunication de masse, c'est pas du tout la révolution Internet. Je dis pas qu'elle est pas importante. C'est l'époque de Nietzsche, précisément. C'est les années 1860-1870, c'est l'apparition du télégraphe, qui est quelque chose d'incroyable. En quelques secondes... Déjà, l'imprimerie avait fait un certain travail. L'imprimerie, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Rappelons-le quand même. Évidemment. Et puis l'écriture alphabétique et tout ce que vous voulez. Simplement, à partir du moment où vous avez le martèlement du télégraphe, c'est-à-dire que en une fraction de seconde, vous êtes au courant de ce qui se passe au moment de la guerre de sécession en Europe, enfin, à partir de là, des gens lucides comme Nietzsche ont dit « ça change tout ». Nietzsche a parfaitement mesuré, j'avais écrit des textes là-dessus, hein, sur le martèlement du télégraphe, Nietzsche a parfaitement mesuré que ce qui se passe à l'âge du télégraphe aura des conséquences considérables, et notamment et également redoutables. Bon. Alors quant à Dewey, qui est donc un homme qui vit au milieu de la radio, du téléphone, de la presse de masse, les avions commencent à voler, etc. Bref, on est dans un monde déjà archi-technologique. Bien sûr qu'il sait que des moyens de communication vont s'inventer, là, il le dit en toutes lettres, vont s'inventer, si c'est pas dans 5 ans, c'est dans 20 ans ou dans 30 ans. Mais qu'on comprenne la poule et l'œuf, c'est parce que les objets sont là que son écriture et sa pensée se structurent par rapport à ces objets-là? C'est une très bonne question, je pense que oui. C'est-à-dire que Dewey se considère, et il le dit, fils de la révolution industrielle. Il est vraiment... Sa pensée n'est pas possible sans la révolution industrielle. Pour lui, la révolution industrielle, c'est pas du tout le capitalisme. Il veut absolument distinguer les deux. Et ça n'est pas du tout, même si le capitalisme a joué un rôle historique, évidemment, hein, il le sait, mais ça n'est pas un synonyme, la révolution industrielle, c'est pas le capitalisme, et ça n'est pas la production manufacturière de masse. Ce qu'il appelle la révolution industrielle, c'est le fait de mettre le savoir technique au service de nos vies par la révolution scientifique. Voilà, donc... La révolution technologique, c'est ça pour lui, la révolution industrielle. Et donc, elle est très ancienne. C'est pour ça que c'est un grand lecteur de Bacon, par exemple. Il s'est passionné pour Bacon. Bon, c'est pour des pensées qui sont quand même très, très anciennes, finalement. 17e siècle, Bacon, Descartes, etc. La révolution industrielle, elle est liée à la révolution scientifique des temps modernes. Et pour Dewey, là, la vie continue quelque chose dans son laboratoire, qui est extraordinaire, c'est qu'elle invente une expérimentation beaucoup plus fine, qui va donc permettre un contrôle beaucoup plus fin des effets, des causes, des conséquences, etc. Tout ça est très très bien théorisé de manière très précise par Dewey. Donc Dewey se tient dans cette révolution industrielle et pense pas, l'idée n'est pas du tout d'en sortir, au contraire. Simplement, il voit bien que cette révolution industrielle, elle crée des effets qui sont délétères, pathologiques, et il partage avec Lippmann un diagnostic de départ qui est que la révolution industrielle a créé une grande société, Great Society, terme qu'ils emploient tous deux à un très intéressant psychologue social, tout à fait oublié aujourd'hui, qui s'appelle Graham Wallas, un Britannique, qui a écrit un livre qui s'appelle The Great Society, qui n'a rien à voir avec la grande société qu'on connaît ensuite, Johnson, mais ça n'a aucun rapport. Ça désigne la grande société complexe mondialisée. Et le diagnostic de Graham Wallas est repris en cœur par Lippmann et Dewey. Il est que cette grande société mondialisée, elle a créé un environnement auquel nous ne sommes pas spontanément adaptés. Nous nous sentons mal ajustés, mal adaptés ou mal adjusted à ce, en anglais, à ce nouvel environnement. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes adaptés, nous sommes habitués à vivre, nous avons des manières de vivre que nous avons incorporées pour vivre dans un environnement relativement clos, relativement stable. Et les rythmes se sont accélérés avec une vitesse exponentielle. Le monde s'est ouvert à toute vitesse. Et là, le retard. Et là, d'où ce sentiment de retard, d'où ce sentiment de déficience cognitive. On sent que nos capacités de connaissance sont complètement débordées par ce qui nous arrive. On est débordé par le flot d'informations. Ce que nous vivons aujourd'hui tous devant nos boîtes mail, cette souffrance que nous ressentons tous devant l'inflation de messages, de mails, d'informations en continu. Tous ces hommes-là vivaient ça déjà. C'est pas du tout quelque chose qu'on vient de découvrir là depuis 5 ans. Non, pas du tout. C'est quelque chose qui est déjà au cœur de la pensée de Nietzsche, qui est déjà dans Lippmann, qui est déjà dans Dewey, etc. etc. À ceci près que les doses sont un peu plus fortes aujourd'hui. Oui, elles sont plus fortes, ouais. Mais il faut quand même s'imaginer que le choc que c'était à cette période. Donc, le diagnostic elle-même d'un désajustement, d'une non-adaptation, le fait que cette inadaptation va créer toutes sortes de problèmes sociaux et politiques. Pour la thérapeutique de Lippmann et Dewey est complètement inverse. Pour Dewey, il va donc falloir utiliser tous ces moyens industriels pour fabriquer le consentement des populations et les réadapter aux exigences de la grande société mondialisée, c'est-à-dire d'un capitalisme où la division du travail est à l'échelle mondiale, etc. Pour Dewey, il a un diagnostic complètement opposé. Cette inadaptation, d'abord, c'est pas un mal, parce que pour Dewey, l'inadaptation, c'est intéressant, parce qu'en fait, la vie passe toujours par du négatif, par des phases d'inadaptation, et à chaque fois, il faut réinventer un autre mode d'adaptation en assumant ce conflit et cette négativité. Et il faut rappeler toujours à propos de Dewey que c'est un élève de Hegel, du philosophe allemand Hegel, qui est un penseur du négatif, du conflit. Et ça, c'est un dépôt permanent dans la pensée de Dewey. Barbara Stiegler, on se retrouvera demain pour un nouvel entretien avec encore pas mal de choses à dire. Je rappelle, non, vous allez rappeler parce qu'après tout, vous en êtes l'auteur et le nom de votre ouvrage avec les guillemets et l'éditeur. Le titre de l'ouvrage, c'est Il faut s'adapter, entre guillemets donc. Le sous-titre, sur un nouvel impératif politique, et c'est chez Gallimard. À demain. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté.